La tortue, un peu rassérénée, eut la sagesse de sourire et ne dit mot. « Dame Pi-Wan, insista Ching, surtout n'ouvrez pas la bouche. Nous volerons à haute altitude et malgré votre carapace, si vous tombiez, vous vous briseriez les reins. » La tortue acquiesça d'un hochement de tête. Une heure plus tard, les trois amis s'envolaient. Le décollage fut un peu ardu. Les deux hérons n'étaient pas habitués à cette surcharge insolite. Mais bientôt, ils adoptèrent un rythme régulier, déployant à l'unisson leurs ailes puissantes. Sous eux défilait une campagne désolée. Des champs de coton dévastés, des rizières abandonnées, ça et là, des carcasses d'animaux. Vers midi, à mesure qu'ils progressaient vers le nord, le paysage devint plus vert, plus riant. Au milieu de l'après-midi, des paysans qui travaillaient dans les champs aperçurent leur étrange équipage. « Voyez cette tortue ! Comme elle est intelligente !» s'exclamèrent-ils. « Elle se fait transporter par deux hérons !» Pi-Wan se garda bien de répondre, mais tout en mordant le bâton avec énergie, elle savourait les compliments. Il survolait maintenant une ville, avec ses temples, ses jardins, ses pagodes aux toits d'or. Et les propos flatteurs qui montaient vers elle enivraient Dame Pi-Wan comme un encens. « Est-ce la reine des tortues ? Avez-vous remarqué ce brillant équipage ? Quelle façon intelligente de voyager !» Les deux hérons poursuivaient leur vol régulier. Mais la fatigue commençait d'engourdir leurs ailes. Ils avaient hâte de trouver une rivière, un lac paisible, près duquel se poser. Comme ils passaient au-dessus d'une prairie, des petits bergers les montrèrent du doigt. Dame Pi-Wan, qui ne se lassait pas des compliments, tendit l'oreille. « Regardez ces deux hérons !» disait un jeune garçon. « Ils emmènent cette balourde de tortue, sans doute pour agrémenter leur repas du soir. Comme ils sont intelligents !»« Stupide berger, vous n'y comprenez rien !» voulut s'écrier Pi-Wan. Mais à peine avait-elle ouvert la bouche qu'elle lâchait le bâton et s'écrasait sur le sol, la carapace éclatée. Les deux hérons descendirent en vol plané. Ils arrachèrent une plume grise, une plume blanche de leurs ailes en signe de deuil. Ils tournèrent un instant au-dessus de leur pauvre ami et disparurent bientôt dans le lointain. Le sage, dit le maître du zen, accueille d'un cœur égal la flatterie ou le mépris. Il est semblable à la flamme d'une bougie qui monte, droite et claire, et qui, au moindre souffle, ne faseille. Nul ne peut nous agresser moralement sans notre consentement. C'est nous qui ouvrons les écluses au chagrin. Aucune injure ne pouvait faire lâcher prise à la tortue. L'insulte, le mépris, l'anathème représentent l'opinion de celui qui les profère. C'est son problème, pas le nôtre. Il se peut au demeurant que le blâme soit justifié, nous l'acceptons comme tel, qui est parfait. Il se peut aussi qu'il soit erroné, partial, injuste, nous le laissons dans la bouche de celui qui l'a prononcé. Notre paix, notre destin, sont entre nos mains. « Entre nos dents !» bougonne le fantôme de la tortue.